Dis-moi oui ou non, mais si c'est oui, c'est vraiment très bon. À choisir entre oui et non, vaut mieux oui que non. Oh, dis-moi oui ou non, mais si c'est oui, vraiment c'est très bon, à choisir entre oui et non. Cette chanson a été composée en 1958 à l'occasion du référendum instituant la communauté. Oui ou non, à Abidjan, Félix Houphouët-Boigny appelle à voter oui et dit pourquoi.